Voici, en 35 minutes environ, de très larges extraits, reliés par des résumés, de la tragédie de William Shakespeare, créée en 1605, un an après Othello, intitulée Macbeth, du nom du roi qui régna sur l'Écosse pendant 17 ans. Ce nouvel enregistrement de l'œuvre shakespearienne est ma façon de célébrer le 400e anniversaire de la mort de cet immense dramaturge anglais. Les traductions que vous allez entendre sont celles d'un spécialiste du théâtre shakespearien, François-Marie Hugo, fils de son non moins célèbre père, Victor. Choix des extraits, résumés et enregistrements de Jean-Paul Alexis en mars 2016. Les spécialistes anglophones lui pardonneront les maladresses de prononciation des noms propres britanniques car il n'a jamais étudié l'anglais à l'école.